reprends le, en deuxième partie, la première partie. Tu avais commencé à parler de ce qui régissait la prison, ma prison, ou notre prison. C'est pas ma chaise, hein, ça. Je s'en est aperçu. Je ne pourrais pas répondre. C'est toi qui devais répondre, genre, de bon, c'est pas ma chaise. Ce qui régissait, c'était, entre autres, la psychologie, la morale, les sectes. On est rendu aux sectes. Il y en a d'autres. Ah oh, oui! Ah oh. Oui. Oh, oui, oui. Mais est-ce qu'on n'avait pas tout à fait fini dans les sectes? Non. Bon, j'en ai parlé, évidemment, à la dernière conférence sur les sectes et les sociétés secrètes, mais ce que je veux qu'on comprenne surtout, c'est que dans le passé, on a présentement incrusté dans l'astral toute une série de mécaniques psychologiques, théologiques, même scientifiques, on va en avoir au niveau scientifique à un moment donné, qui vont tout faire en sorte de créer des dissonances cognitives à travers l'humain. Bon. Alors, l'humain avance, puis l'humain, parce qu'il s'est fait fourrer 45 fois, il essayera plus tel créneau. Et dans le passé, c'était pas le temps. J'ai déjà compté comment on dressait des éléphants. Hein? Quand ils sont petits, on leur attache la patte avec une grosse chaîne, après un gros poteau d'acier. L'éléphant, il veut se pousser, il se fait mal. Il se rend compte que ça sert à rien. Bon, 60 ans après, l'éléphant est rendu très, très adulte, ça fait longtemps qu'il est habitué. Quand on veut l'arrêter, on prend une corde, n'importe quelle ficelle, on l'attache après n'importe quoi. Il ne se pousse pas, il a déjà essayé, il sait que ça ne fonctionne pas. C'est la même chose pour un paquet de phénomènes. Quand on parle, si on crée une société comme OFSA, est-ce que c'est une secte? Si on crée une compagnie qui s'intéresse à faire en sorte que les employés à l'intérieur d'elle soient heureux, ainsi que leur famille. Tant qu'à y être, bien, si la famille a des enfants, on va s'arranger la compagnie pour investir de façon à ce que les enfants soient le mieux instruits et éduqués possiblement, comme on peut le faire. Si la personne qui est là ici, c'est un gros financier à cigare qui vit sur un yacht, tout le monde va dire, quelle stratégie d'affaires géniale! Parce que les employés, finalement, sont beaucoup plus productifs s'ils sont heureux. Tu sais, le gars, il l'a tué, l'affaire. Mais si le patron, c'est quelqu'un qui s'intéresse à rendre esthétique son cadre, mais là, on ne sait plus là, si c'est génial. C'est peut-être une secte, son affaire. Mais dans notre société, on voit ça, il y a tout le temps quelque chose qu'on soupçonne d'être en dessous. Ça se peut pas que le gars veuille le bien du monde. On a peur de ceux qui le veulent pas, là, spirituellement. Ça dépend. Mère Thérèse, tout le monde est pour. Oui, mais alors, rien. Parce qu'elle veut le bien de tout le monde, sauf le sien. C'est nécessairement... Oui, mais l'as-tu regardé? Je veux dire, alors rien. Personne ne peut penser qu'elle a quelque chose de caché. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, là. Mais non. Le passé est très, très, très engrammé. Il y a un paquet d'engrammes qui sont placés là, puis l'humain se fait ramasser par ça sans arrêt. Le gros problème, ça va être l'histoire humaine. Oui, mais on sait ce que ça a donné. Donc, on ne sert à rien. Et après ça, au niveau des prisons intérieures, la grosse limitation, ça va toujours être le fait de la part de ses pères. On appelle ça des pères, mais souvent, c'est un père. La part d'être jugé par autrui. Bon, ça veut dire que si, à un moment donné, tu fais quelque chose de particulier qui va avec ta nature, tu es toi-même, tu vis, tu es un être en transition, et à un moment donné, tu décides de vivre de plus en plus transparemment avec toi, vas-tu te ramasser en cours? Vas-tu perdre ton emploi? Vas-tu perdre ta famille, tes contacts? Contacts, oui. Vas-tu perdre tout ce qui te fait, tout ce qui rend ta vie agréable? Uniquement parce que tu décides de sourire quand c'est agréable. Bon, l'humain est limité totalement, complètement compressé. L'humain a besoin d'un paquet de choses. L'humain a besoin de nourriture physique. Il va se limiter dans certaines choses en fonction des modes. L'humain a besoin de nourriture vitale, il va se limiter totalement parce que ce n'est pas reconnu. L'humain a besoin de nourriture astrale, il va se limiter en fonction des égrégores religieux. Puis je dis bien religieux. Parce que si vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre, c'est parce que fondamentalement, l'Église catholique vous l'interdit. Ah, moi, je suis plus religieux. Ben, d'abord, est-ce qu'un homme peut avoir 3-4 femmes? Une femme, 3-4 hommes? Non. C'est catholique, ça, là. Bon, c'est peut-être juif. Mais en tout cas, ça part de la même chose. L'humain ne peut pas. Peux-tu aimer d'autres individus? On parlait vendredi, tu es capable, si tu as des enfants, puis est-ce que ça serait normal que tu aimes autant l'enfant d'un autre que tes enfants? Ou plus. Mais socialement, c'est catholique, c'est chrétien. S'il est dans ta famille, il vole ton argent, il saccage ta maison, il t'écoute jamais, il te crache dans la face, il t'envoie promener, il t'insulte au bout, que tu l'aimes, tous les psychologues vont être d'accord, c'est normal. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta famille, qui te respecte, et qui tout est parfait, si tu l'aimes, ils vont tous être d'accord, ce n'est pas normal. C'est parti de toutes les maudites niaiseries. On parle de société of ça, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, l'individu doit être capable de faire ce qu'il a à faire. Je ne parle pas de ça en tant que vendre une affaire, là. Je parle d'un concept utopique. Chaque personne doit être capable d'arriver à vivre of ça bien avant. Il n'y a pas besoin d'avoir le cadre. Le cadre serait confortabiliser notre expression. Je n'ai pas besoin d'être payé pour faire quelque chose. Je fais ce que j'ai à faire. Dans une société comme OFSA, ça veut dire que tous les individus qui sont dedans n'ont pas de salaire. Bon, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien. C'est pas communiste, pas socialiste, ça n'a rien à voir avec ces phénomènes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu prends l'automobile, une automobile, il y a un parc d'automobile, tu n'as pas ton automobile, on n'a pas tout, on n'utilise pas toutes les automobiles en même temps, donc tu prends une automobile. Si tu vas pas loin, tu prends l'automobile électrique. Si tu vas un peu plus loin, tu prends ce qui existe. Tu vas très très loin, tu prends ce qui va très très loin qui est économique, ça peut être un hélicoptère, un avion. Tu prends l'automobile, tu vas faire le plein, tu prends une des cartes du village, puis tu t'en vas. Bon, tu t'en vas à Québec, tu t'en vas à Rimouski, tu fais le tour pour faire des conférences. Tu fais le plein aux frais de la communauté, de la société communautaire, tu n'as rien à foutre. Puis quand tu reviens, bien, c'est fini là. Bon, tu pars en vacances, tu pars en vacances, tu pars avec des gens qui voyagent, American Express. Tu pars des cartes de crédit, puis tu as 6 mois de vacances. Tu pars en vacances. Oui, mais il va tout dépenser. Ça fait toute partie, ça, de ce que l'humain a fait dans le passé, donc de ce qu'on s'attend à ce que l'humain fait. Mais... On parle de l'animal, on ne parle pas d'être humain. OK, mais absolument. pour que OFSA existe, ça prend des personnes, des individus qui soient sortis de leur prison intérieure. Sinon, il y a toujours quelque chose qui va faire que ça va réussir. Il faut être suffisamment sorti pour être capable d'accepter de ne pas la recréer dans un nouveau contexte. Parce que lorsque l'être humain va être suffisamment sorti, il faudra que ça existe. Or, ça ou n'importe quoi qui ressemble, ça sera c'est un concept pour l'instant. Ça sera l'assiette énergétique à laquelle il sera rendu. Ça sera l'assiette énergétique. Ça veut dire que tes voisins, tu ne voudras pas avoir n'importe quel voisin, parce que quand tu sors faire ton tai chi, tu ne veux pas avoir l'impression, tu ne veux pas passer à la télévision là, aux nouvelles le soir. Hey, le gars travaillait à TQS, là, puis il t'a filmé. Ça veut dire que ce que tu vis, toi, en tant qu'individu, tu dois pouvoir le vivre, là. Tu aimes parler aux fleurs, tu parles aux fleurs. Bon. Tu n'as aucun problème. Bon. Tu veux aller te baigner, tu vas te baigner. Tu veux faire attention à la société, tu veux faire attention. Tu veux manger des choses raisonnablement bien bâties, tu manges, c'est correct. Ça veut dire qu'on accepte l'intégration des robots. On accepte d'éliminer au maximum le travail dans les mains de l'être humain. Un, parce qu'il fait mal. Deux, parce qu'il n'est pas bâti pour le faire. Trois, parce qu'il est bien plus efficace ailleurs qu'un marche à sa tête. Donc, c'est les robots qui cultivent, c'est les robots qui font ce qu'il y a à faire. Bon. Après ça, il faut que l'humain soit capable d'éliminer toute la problématique du passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas ton petit tracteur à gazon, mais c'est la communauté qui a un gros tracteur qui vient couper le gazon. Bon. Mais ça, c'est une commune. Ça n'a rien à voir. Il faut que l'humain comprenne le principe. Ton linge, tout le monde peut avoir une laveuse, une sécheuse à linge, mais tu peux aussi avoir un baril, tu mets le linge dedans. Tu mets sur le bord à ta maison ou tu le mets dans une chute à linge qui amène ça là où on lave le linge pour tout le monde. c'est lavé là, puis c'est ramené après. C'est pas plié, mon goût, ça, moi, je me suis calé de même. Puis, à un moment donné, tu comprends que l'importance dans la vie, c'est pas la façon dont ça a été plié. L'important, c'est que ce soit propre, plié correctement. Il y a toute une panoplie de choses. C'est évident que l'individu doit être intelligent parce qu'à un moment donné, si on n'a pas la robotique, on partage le travail. Mais nécessairement, progressivement, l'humain se ramasse avec un mois, deux mois, trois mois, quatre mois à rien avoir à faire officiellement. Donc, il va s'occuper à travers toute l'année de lui, de sa santé, de son instruction, parce qu'on continue à s'instruire tout le temps. Il va s'occuper évidemment des enfants, pas de ses enfants. Il les possède plus. Alors, que ce soit ceux que lui a mis au monde ou ceux que lui a kidnappés ailleurs, ou ceux que... Oui, parce qu'on ne peut pas être adapté au Québec. Il faut qu'il soit chinois ou bangladais chien. Mais si on a un jeune Québécois qui a de la misère, pas adaptable, ça. Bon. Alors, tu te kidnappes. Et puis, l'enfant du voisin et de la voisine, ça ne dérange plus. Mais tout ça, là, ça fait partie des formes. Qui doivent sauter pour arriver à une forme plus appropriée. Mais comme le village offre ça, là, c'est des formes permettre de s'en sortir de notre prison. C'est une forme, ça confortabilise le cauchemar. Mais avant ça, là, j'aimerais ça finir, moi, des... C'est ça que je parlais en même temps. Si, OK. Oui. Parce que là, j'explique plus clairement pourquoi il faut briser ça. OK. Ça veut dire que j'ai 15 poules, t'as 15 poules, t'es une poule malade. C'est pas ta poule, c'est pas ma poule, c'est pas j'ai mes 15 poules. C'est même pas du partage. Ça va beaucoup plus loin que ce que tu fais. Moi, j'ai un puits artésien, toi, t'as un puits artésien, le tien est à sec. J'en donne-tu ou pas? Et c'est pas une question de partage. Ça, c'est pas mon eau, c'est... C'est une question de logique. C'est ça. Ah, moi, je vais y en donner parce que si un jour, moi, j'en ai plus, c'est pas ça. Ça, c'est rationalisé. Puis... L'homme, là, il est bien meilleur, bien plus bon qu'il peut penser. Et il est tellement pas capable de le supporter qu'il va le rationaliser. C'est parce que Dieu me dit que... C'est pas pour ça, si moi, c'est parce que t'es bon. C'est parti, mais puis quand je parle bon, c'est pas spirituellement. Énergétiquement, là, c'est évident. Ah, c'est parce que si un jour, c'est pas pour ça. Ah, mais plus tu donnes, plus tu reçois, mets-en de la marde. Mais c'est pas ça. C'est uniquement parce que ça va de soi. Donc, il n'y a personne qui se casse la tête, t'as pas d'eau. Il y a les espaces vitaux. Pendant un grand laps de temps, tu vas venir me demander si tu peux prendre de l'eau. Et moi, je vais te dire pendant tant que tu veux. Mais là, je te dirai pas, sauf que je veux pas que tu gaspilles. Mais c'est évident. Parce que t'es... J'ai pas besoin de te dire ça. C'est simple. Et ça, ça fait partie de ce qui est empêché par toutes les trames. On va moraliser, on a peur des sectes, peur des communes, peur des hippies. On a peur. Il y a une femme à la radio qui expliquait qu'elle loue des films pornographiques deux fois par semaine. Puis elle regarde ça, là, après ça, avec son chum, il y a une relation sexuelle. Elle a dit, ils font l'amour. Bon. Il y a des relations sexuelles 6-7 fois par semaine. Bon. Ça, c'est la moyenne. Bon. Et puis elle trouve que c'est sain de louer des films pornographiques parce que tout ce qu'elle aimerait faire avec son chum, mais qu'elle ne peut pas parce que, elle le voit faire, ça la défoule. Mais, la sexologue, parce qu'il y a une partie de la psychologie qui est la sexologie. Là, je dis, j'ai hâte de voir, moi, la nombrologie. C'est le nombril. Psychologie, non, c'est vrai. C'est pas vrai. L'épaulologie en psychologie, c'est toute la relation psychologique entourant l'épaule. Oui, la sexologie, toutes les relations psychologiques entourant le sexe. Franchement, on l'humain, on l'a. Bon. Non, mais il n'y a pas grand humain que la vie n'est pas basée sur la sexualité. Mais là, c'est vrai. Franchement, en tout cas. Mais là, ce qui arrive, c'est que, là, elle explique que c'est une bonne mère de famille quand même, parce que ses enfants ne voient jamais les films. Même ses enfants ne l'ont jamais vu, elle nue. Jamais. Alors, elle est correcte. C'est ça. À 17 ans, là, c'est là l'enfer. À 18 ans, là, c'est le paradis des adultes, pour chacun va le crier, plus de problème, tu loues des films. C'est, ça, c'est l'humain. Il faut briser des formes en particulier. Elle a vu des films pornographiques à la hauteur des enfants. Elle allait engueuler la personne qui tenait son truc vidéo. Elle est correcte. Je reviens toujours pas, moi, de ce qui est dangereux pour les enfants, pourquoi c'est pas dangereux pour les adultes. Ce qui est bon pour les adultes, pourquoi c'est pas bon pour les enfants. Mais ça fait partie de la prison de penser qu'on est libre. Ça fait partie de la prison de penser que rendu à un moment donné, tu peux fumer, te droguer, te shooter, n'importe quoi, ça dérange pas. C'est ma vie. Mais tu fais pas ça aux enfants. C'est ça, c'est ma vie. Parce que c'est pour ça que je dis aux humains, considérez-vous donc comme votre enfant. Fait que ce que tu ne donneras pas à manger, donne-toi-le pas. C'est ce que tu ne donneras pas à regarder, regarde-le pas. Parce que vu que l'humain est... Ça fait partie des affaires à casser à un moment donné. Ça veut pas dire que tu prends des films pornographiques, etc., tu montres ça à tes enfants. Ben, tu peux le faire en leur expliquant, en te montrant ce que c'est que l'animal humain. Viens voir ça, mon ami. Ça, c'est l'animal humain. Là, tu regardes tout ça au complet, mais ils vont voir des fesses, ils vont voir... Franchement, tu sais, ils ont déjà vu en masse. Elle est là, elle est mangée du miroir. Un enfant, ça fait bien longtemps, tu sais, mais... Non, mais l'humain est tout pris, tout pogné, faut briser. C'est pas question de se libérer. La question est qu'à un moment donné, quand l'intelligence commence à descendre à travers un individu ou un groupement d'individus, les gens recommencent à souffrir parce qu'ils sont jamais sûrs de pouvoir avancer. Faut avancer intelligemment, c'est évident. Si on regarde Richard Glenn, il a peut-être avancé trop vite de m'amener. Ça crée des problématiques. Oui, il n'était peut-être pas entouré de gens intelligents. Ben, il n'était pas de toute façon. Puis lui, au lieu de se désinhiber, il a essayé de se libérer avec intelligence. C'est dommage, j'en maudis, parce que c'est un gars qui est correct. Bon. Puis coupable ou pas coupable, il est coupable. Hein? On est dans la société. Ça fait partie de tous les engrammes qui sont dangereux. Il faut que tout le monde observe sans arrêt, que tout le monde le voit. Et en plus, l'être humain va avancer s'il est absolument sûr qu'il ne se trompe pas. Oui. Et nous, on se trompe de toute façon tout le temps. Tout le temps, parce qu'on n'a pas de... Quand on dit qu'une mère peut poursuivre le mari, son ex-mari, parce que son enfant couche avec lui, il n'y a pas de relation sexuelle, là. Non. Ou parce qu'ils prennent leur bain ensemble, là, la petite fille a 3 ans, 4 ans, le petit gars 3, 4, 5 ans, la mère, elle peut poursuivre le bonhomme pour un paquet d'affaires homosexuelles, puis elle va gagner. Alors quand je... Mais le contraire, ça ne fait pas. Puis le gros problème, c'est que si on demande à l'enfant, « Mais tu sais, à coucher avec ton père? » Oui, on va l'envoyer en soins psychologiques. Oui. Parce que l'enfant, il y a un problème. Ben oui. Mais à 17 ans, aimes-tu ça coucher avec un adulte? Oui, en soins. À 18 ans, non, en soins. Tu sais, une barrière majeure, là. Ouais. Ça fait partie de tout ce que l'être qui se conscientise, l'être qui se conscientise doit échapper à ça. On parle d'esthétisme. C'est évident qu'une personne décide à un moment donné que se promener nu, c'est pas un problème. Bon, mais si tu te promènes nu en plein milieu de l'hiver à moins 40 sous zéro, c'est un problème. Mais c'est le même problème que de promener nu dans le métro de Montréal. Mais l'humain va dire, oh ben les autres, c'est de la température. C'est la même chose, on doit être écologique, pas en fonction de ne pas faire mal à autrui. Ils vont te bûcher dedans. Donc, à un moment donné, tu as des enfants, et tu décides que ton corps, la nudité, ça ne dérange plus. Fait que là, tu te promènes dans la maison tout nu, puis les enfants, ils n'en reviennent pas, s'ils ont déjà gâté. Tu leur as dit, oui, j'ai envie de voir des films d'horreur, ça ne sera pas traîné. Bon. Non, mais bon, les enfants ont des problèmes. Mais les enfants, c'est de la température. C'est pas, oh ben eux autres, s'il fait moins 20, là, tu te dis, oh ben le foie, là, quel s'est rhabillé. Non, le foie, il va te dire ça. Toi, putain, t'es rhabillé. Tu vas geler. L'humain, c'est la même chose. Donc, tu ne vas pas, on parle d'intelligenciation, ça veut dire que l'humain doit apprendre à se libérer psycho-émotivement de ces phénomènes-là. Mais pas au niveau de se libérer dans sa tête. Donc, il va se désinhiber par rapport à lui. Être libéré des contraintes qui t'obligent à ne pas avancer parce que, bon, à un moment donné, quand tu es libéré de ça, tu es libre de ça, pas libéré, tu es libre de ces choses-là, tu es désinhibé avec toi ou tu es en phase de désinhibition. Maintenant, tu regardes la température. S'il pleut des clous, tu ne prends pas un parapluie, tu sors avec un couvercle de poubelle. T'sais, tu t'ajustes aux situations écologiques. Non, mais c'est de la logique. Mais le moindrement que ça concerne la matière, on comprend tous. Mais du moment que ça concerne l'humain, qui mange donc de la mort? C'est rarement lui qui va manger. Donc, là, on doit s'ajuster. C'est pas se putainer. Je me putaine pas, moi, quand je me mets un gros manteau d'hiver. J'aime pas ça, j'aime mauditement mieux l'été, où je peux sortir de la maison dehors, puis de dehors en dedans, sans avoir à passer 5 ou 10 minutes à chercher ce que je mets, ou à ôter les bottes, à défaire les lacets, à les couper quand je mets pressé. L'été, c'est agréable. Mais je ne me dis pas, maudit hiver, puis qu'elle mange, rien à faire, bon. Mais quand c'est l'humain, on doit s'ajuster de la même façon. On doit cesser, vous devez cesser de comparer, de considérer l'être humain comme étant un être de raison. C'est un être qui a raison et qui a plein de raisons. Mais ce n'est pas un être qui peut raisonner à votre vibration. Raisonner, ça veut dire entrer en harmonique vibratoire avec ce que vous êtes. Ce n'est pas un être raisonnable. Pas en fonction de l'intelligence. Vous allez en trouver qui vont vivre tous les processus de limitation, d'emprisonnement, d'inhibition. On comprend progressivement par votre contact que vous soyez vous-même dans la révélation totale de ce que vous êtes ou que vous soyez ajusté confortablement au cadre, vous allez réveiller les dormeurs sans même leur parler. Il n'y a aucun problème, là, on n'a pas à... C'est pas du puténard. Mais là où, des fois, on peut se mélanger, c'est que... C'est que quand tu te conscientises, tu te décollectivises, puis tu apprends à voir les manipulations de l'astral, puis tu ne différencies pas tout le temps que c'est pas l'humain, mais que l'humain est manipulé. Alors tu rentres dans l'humain, puis sous prétexte de se tenir debout devant... Oui, mais il y a des phases. Sous prétexte que tu tiens debout devant l'astral, ben, tu tiens debout devant l'humain, puis l'humain, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis c'est ça, des fois, que tu envoies promener les autres, mais c'est pas les autres qui... Non, l'humain, c'est le syndrome de l'électron. L'humain, je suis un électron, puis quand il y a une particule virtuelle qui apparaît à côté, un proton, automatiquement elle m'attire, mais la particule disparaît. Là, il y a un électron qui apparaît ici, ça me repousse. Là, il y a une autre affaire, puis je m'en vais, moi, là, puis je ferme les dents. Puis comme je n'ai pas le temps de rien voir de ce qui est virtuel autour de moi, j'ai l'impression que je m'en vais en ligne droite. Mais ça me prend beaucoup d'énergie, je passe mon temps à zigzaguer. Mais vu que je n'ai pas de point de repère, je pense que je vais en ligne droite. L'homme, l'humain, vit de la même façon. Il s'en va, il se passe de quoi? Il s'en va là, il se passe de même. Allez juste magasiner. Et vous marchez dans le corridor, là, à un moment donné, ah, tu es nickel, j'ai une belle robe, tu continues à marcher. Ah, tu veux, c'est comme tu es un bébé là-bas. Mais ça, c'est la prison avec ses murs. Crime, tu t'en allais t'acheter un cornet. Va t'acheter un cornet. Ça fait partie de la prison avec ses murs. Là. Exactement, l'illusion. Il arrive un mur, tu t'en vas. Ah, j'ai décidé que. Bon, y a-tu des formes qui peuvent aider l'humain? À date, il n'y a pas grand-chose qui a aidé l'humain. C'est plutôt contenu. Mais y a-tu des choses qui peuvent aider l'humain à s'en sortir de cette prison-là? Oui, sauf que ce qui va aider l'humain jusqu'à temps que l'humain doive démolir ces choses-là. Ouais, là, en attendant, oui, ça. L'art, ça l'a aidé l'humain. L'ART. Toutes les formes d'art, ça l'a aidé l'humain. À un moment donné, il faut aussi émanciper l'art. Il faut faire évoluer l'art. Il faut changer l'art. Il faut avancer dans l'art. Les sciences, ça l'a aidé l'humain. L'architecture, c'est l'art avec la science. Ça l'a aidé l'humain. Il y en a énormément de formes qui ont aidé l'humain. Ça fait toute partie du rêve, ça, c'est pas... Ça fait partie du rêve. C'est même pas vrai. Non, mais c'est, on s'en balance. Ouais, pour l'instant, t'es dans le rêve. Vous êtes dans le rêve confortable. C'est ça, il faut utiliser ce qu'il y a dedans. C'est pour ça tout à l'heure que j'expliquais bien qu'on doit encore, malgré qu'on comprend, on doit être capable d'ajuster la forme en fonction de ce qu'on est. En tant qu'être en train de se réveiller. Donc, on ne peut pas anéantir la forme en disant que c'est faux. Parce que même le vide dans le rêve reste faux. Fait que tant qu'à avoir absolument rien, on peut avoir ce qu'il faut. Alors, il y a donc des formes qui sont extrêmement utiles à l'être humain. Un corps en santé, c'est une illusion. Mais c'est une illusion hautement plus agréable, donc de par ce fait utilisable pour amortir de l'énergie, qu'un corps malade que j'aime pas. Dans le rêve, c'est une question de ramasser de l'énergie. Donc, si je suis heureux, je ramasse de l'énergie. Si je suis entre les deux, je suis automatiquement malheureux. Il n'y a pas de personne neutre. Ils sont malheureux, puis ils l'endulent. Alors, ils ne sourient pas, ça va. Ils ne sont pas malheureux, qu'ils disent, mais ils sont malheureux. Bon, malheureuses. Le fait d'être heureux ramasse de l'énergie. Donc, le fait d'être bien ramasse de l'énergie. Bien, ça veut dire, au niveau du plan physique, ne pas avoir faim, et ne pas avoir soif, ne pas être malade. Être dans un contexte matériel intéressant, être assis sur des chaises confortables, en tout cas. Ben, tu sais, il y a des choses comme ça, là. Ça, c'est bon pour les élèves, pas pour les profs. Dans des classes, des chaises de bois. Je vous en pas, le 30 ans, c'est le même, c'est encore les mêmes chaises. J'ai été dans une école où j'ai déjà été quand j'étais jeune, là. C'est pareil. J'ai regardé une chaise en dessous, puis j'avais encore mes marques. La gomme. Il était évolué pas trop. La gomme t'a collé. Ah, oh, je mangeais pas de gomme. J'étais sage, moi. Je ne sacrais pas, je ne buvais pas, et c'est quoi qui d'autre? En tout cas, j'étais parfait. Mais j'ai mangé des claques aussi. C'est en utilisant les nouvelles formes. En néotypant, c'est toi que tu mets au monde. C'est toi que tu mets au monde. Oui. Alors moi, je reçois quelque chose, je l'exprime là, puis mon rêve devient moi-même. Plutôt que moi d'être toujours été en train de me morfondre pour m'associer et me sujeter au rêve. Le rêve, il dit, vous devez faire cela. Ah bien, on fait ça. On va être correct. On va être correct. Le rêve, il dit, on met les casquettes. On met une casquette. Le rêve, il dit, on les met notre bord. On les met notre bord. Le rêve, il dit, on n'en met plus. On n'en met plus. Le rêve, il dit, on trouve qu'on se qu'en mettre. On trouve qu'on se qu'en mettre. Si on arrête d'écouter le rêve. Mais si on arrête d'écouter le rêve. Parce que finalement, la vie qu'on a, là, c'est pas notre vie à nous autres. Cesser d'écouter le rêve, c'est quoi? J'écoute plus le rêve. Le rêve, il continue de dire, t'es un épais, t'es un malade, t'es malheureux. Égal, clairement que le monde est épais. C'est une différence entre le savoir et le rêve. Tu l'appliques pas. Non, mais tu continues d'écouter le rêve. Tu ne peux pas dire, je n'écoute plus le rêve. Le rêve, là, ils sont 20 000 à te parler. 32 millions dans ton cas, à te parler. Non, sérieux. Il est plus gros. Oh, ça parle. OK, ça parle. Ouais. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'on dit, suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi, trois fois. Il y en a un qui dit, va boire, va boire, va boire, va boire, quatre fois, il enterre l'autre. L'autre, il dit, sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux. T'es plus heureux que boire, que te suicider. Si tu décides, j'écoute plus. Qui t'écoute plus? Ceux qui te parlent le plus près de toi. En les écoutant plus, tu libères ceux qui sont en dessous. Les 3 millions. Puis là, à un moment donné, c'est ça, d'autres. Là, à un moment donné, bon, moi, j'écoute plus ce qui se passe en dedans de moi. À un moment donné, vous, vous, j'écoute plus, voilà. T'écoutes encore, mais t'écoutes, c'est plus beau. Là, si tu décides que t'écoutes plus ça, parce que t'as bien soif à un moment donné, t'es plus de verre. Si t'écoutes, décides que t'écoutes plus ça, c'est plus beau. C'est plus beau. Les gens qui décident, là, moi, là, on ne manipule plus. Ils viennent de se couper avec ce qui leur parlait le plus fort. J'ai dit ça il y a 5 ans. Quand l'être humain décide de rejeter Dieu, ce qu'il ne sait pas, c'est que vu qu'il ne rejette pas le diable en même temps, il devient manipulable par le diable. Donc, les humains vont dire à un moment donné, moi, je ne crois plus en Dieu. Puis là, ils éliminent ça. Ils commencent à être malades, ils commencent à être pauvres, perdent leur emploi, perdent leur argent, les choses ont de plus en plus mal, le char casse. Ils sont agressifs, ils sont violents. C'est évident, ils ont coupé avec une partie. Tu coupes avec l'astral. Ou tu gères l'astral. Mais tant que tu ne peux pas couper avec l'astral, te réveiller, il faut gérer l'astral. Tu gères Dieu, tu gères tout ce qui est en dessous, puis le diable, c'est un danger tant que tu ne l'as pas transformé en esclave. Bon, il faut que tu gères la mécanique. L'être humain, on se disait à un moment donné, prière de ne pas cracher. Vous voyez ça, une pancarte. Prière de ne pas cracher. C'est quoi ça? Cracher, voir. Allez dans une bibliothèque, là, bibliothèque Bélève, à l'école, parce que ça dure. Prière de ne pas parler. La prière, c'est l'ordre le plus impératif qu'on peut donner. Quand on dit prière de ne pas parler, ça veut dire de ne pas parler. C'est pas nous exigeons le silence. C'est pas nous deux vous demandons de. Je vous supplie de ne pas parler. Non. Prière de ne pas parler, ça veut dire ne pas parler. Parce que là, le courroux arrive vite. L'humain est sur la planète Terre. L'humain qui se réveille doit diriger, régir toute la totalité de la mécanique. Son passé, mais c'est pas le passé, c'est lui, maintenant, mais dans une autre adresse spatio-temporelle, l'avenir, il doit régir. Mais tu peux pas dire, je régis. Je veux qu'il neige. Il ne neigera pas. La meilleure chose, c'est de donner cet ordre-là quand il neige. Et là, ça fonctionne. Toujours. Okay. Mais on peut quand même. Ouais, c'est ça. Là, il faut transformer lentement par la compréhension de ce qui gère l'astral. Et tu te rends compte que toi, quand tu dis je veux qu'il neige, tu contrôles le temps immédiatement, mais tout le temps où on structure le fait qu'il va faire beau aujourd'hui, tu n'y touches pas. Si tu ne peux pas t'impliquer à travers l'échelle temporelle, tu ne peux pas arriver au processus du miracle. De temps en temps, oui, tu pourras transformer à partir de maintenant une condition climatique pour qu'elle s'en aille lentement vers la neige, par exemple. Ça prend 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. sans ça, toi, tu vas dire, je veux qu'il neige, il neige. Les gens qui ont vu le ciel bleu l'ont tout oublié. Ils n'ont jamais vu le ciel bleu, ils ont toujours vu le ciel couvert, eux autres. Alors, eux vont te dire, mais oh non, tu n'as pas fait de miracle, là. Si, ouais, tu as dit, je veux qu'il neige, mais il neige déjà. Mais c'est toi. Toi, tu dois savoir. Moi, je veux savoir que tu es comme ça parce que moi, je suis un être différent. Je sors du contexte du sommeil. L'être humain doit travailler à se libérer des formes ici. Quand on parle d'utopisation, c'est exactement un peu comme se défouler. Bon, nous, on a toute l'idée de ce que c'est que l'intelligence, par exemple. On en jase souvent, refaire le monde, refaire la société, etc. Puis on ne peut pas, présentement, ne pas suffisamment d'argent. Alors, on décide de mettre notre pécule en commun et on va faire un film où ça va être là-dedans. Bon, le film, on va le travailler de façon à ce qu'il vende, de façon à ce qu'il soit supportable par le commun des mortels, donc ceux qui vont mourir, ceux qui dorment. Et on s'arrange, s'il est supportable par eux, on va faire de l'argent, on fera suffisamment d'argent, puis on verra après. Bon. En faisant le scénario, en faisant le film, on se défoule. Et se défouler veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de créer dans la matière une forme matérielle qui va supporter notre assiette énergétique sans créer le off-sort. Parce que c'est pas le temps. Bon, ça coûte par exemple 1 200 000 $ faire le film, ça te rapporte 15 millions. Bon, on fait un peu d'argent. L'humain, normalement, va dire, hey, ça marche, on fait un autre film. Là, il vient de dévier. On peut décider de faire un autre film. Mais la majorité vont se faire décider de faire un autre film. Se libérer de toutes les contraintes, les artistes, c'est ce qu'ils vont faire. On fait un film, puis là, on punch, on le casse la gueule au monde. Ah oui, on leur en met plein. Pas ça non plus. L'humain doit... Un des points là, très, très importants à comprendre là, probablement le point de la journée, il va y avoir d'autres, là, mais un qui est applicable et essentiel, n'oubliez pas que les voisins, les autres humains, c'est des feuilles qui volent avec le vent. S'ajuster au contexte planétaire. On parle d'illusion, mais ça, si on parle d'illusion, torieux, ça veut dire que dans mon rêve, là, si je te rencontre dans mon rêve, je vais me coucher, là, je rêve, je te rencontre, tu es en train de manger un cheval vivant cru, tu es en train de manger, il faut plus certain, tu es en train de le manger. Là, je me dis, oui, non, non, Jean, qu'est-ce qui arrive? Là, tu m'en vas promener, là. Rêve. Je parle pas à Jacques. Je ne dois pas considérer le personnage de mon rêve comme étant Jacques Lapointe. Parce que là, vas-tu en mettre de l'énergie dans mon rêve, moi, là, pour te réveiller? C'est une force. C'est rien à faire. Alors, par contre, quand je te vois là, de temps en temps, je vois que c'est le rêve. Vu qu'on a, si on s'est arrangé, on a signé un pacte, on n'a pas signé rien, mais dans l'astral, ça équivaut à signer un pacte, on s'est entendu pour se réveiller chaque fois qu'on est dans un monde réveillable, chaque fois qu'on s'endort. Mais c'est évident que votre brosse un petit peu. Ça veut dire que si tu stationnes à l'extérieur, tu as 1 km à marcher quasiment pour te rendre aux galeries. Bon, ça c'est le même, hein. Une place, tu la vois, tu arrives, tu te places pour rentrer à reculons, puis quand c'est pour reculer, ben il y en a un qui rentre de face. Hey! Qu'est-ce que vous faites? On secrète. Il y a une feuille, il y a une feuille amenée par le vent qui est tombée là. Vous vouliez mettre la vôtre. Tu peux évidemment sortir les 15 clous de 6 pouces que tu traînes avec toi sans arrêt, les accoter en avant, en arrière de chacun de ses pneus, tu en mets 8, comme ça qu'il avance ou qu'il recule, il va avoir les bandes, quand il est parti. Tu peux faire ça, tu peux dégonfler ses pneus, mais c'est mieux les clous. C'est plus vite à mettre, on ne te pince pas, puis c'est crevé. 4 crevaisons à Noël, tu me le dis, bon. Sauf que c'est un rêve, c'est de l'énergie perdue. Là, vous allez mettre votre auto où? Changer de centre d'achat, marcher 1 km. La personne qui va marcher 1 km, elle va mettre son nettoyeur et elle dit, de toute façon, c'est bon pour la santé de marcher un peu. C'est ça le problème de l'humain. Il est encore en train de se donner des excuses, des raisons, de rationaliser. Tu le mets là, tu sors, puis tu marches. Tu t'en fais pas une philosophie spirituelle pour être capable d'admettre et de supporter que tu es intelligent. Mais on s'en fait toujours. Bon, on partage pas. C'est logique de diviser. Mais quand on conscientise tout ça, là, que c'est finalement, c'est pas notre monde, nous autres. Mais non, puis en plus, tu contrôles pas ces petites mécaniques-là. On peut-tu juste s'en aller de là? Oui, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que t'es pas bâti pour. Pourquoi? Tu contrôles pas toute la mécanique. Tu dors à bien des places. Alors, l'idée, c'est de se réveiller. Mais oui. Puis, ouais, mais c'est parce que ce que tu viens de dire, oui, c'est parce que ce que tu viens de dire, pour moi, c'est une clé, dans le sens que j'attendais justement une clé, quelque chose de concret. Là, pour moi, c'est concret. C'est-à-dire que si tu considères les autres, les feuilles... Mais moi, si je me réveille tout de suite... Ah, c'est préparé. Alors, pour... OK. Qu'est-ce qui fait qu'on tient à la vie actuellement, là? On est dans une foutue pédale. Je vais te dire, moi, pourquoi tu tiens à la vie. Oui. Parce que si tu meurs, il t'artire sa planète immédiatement. Et peut-être que s'il t'artire, tu ne me rencontres pas. Qui, ça, I? I, l'astral, la mécanique, le cochon, le chien. Le gardien de la prison. C'est pas un humain. Gardien ouais, mais je ne fais pas partie de l'eau. Oui, tu en fais partie présentement. Dans tout ce que tu as au niveau de ta conscience. T'as un corps, tu commences juste à savoir. Regarde comment c'est. C'est comme la personne qui est dans un film. Puis dans le film, on tourne un film. J'ai vu ça. Ouais. On tourne un film dans le film. Toi, là, tu es engagé comme acteur pour acter un gars engagé comme acteur qui va jouer un film. Tu comprends? Tu suis bon. Alors, toi, tu es tout petit. Là, tu es déguisé en femme parce que tu vas avoir un bon. Bon, en tout cas, c'est matrone. La mère supérieure, bon. Et là, tu commences à jouer dans le film. À un moment donné, tu te dis, crime, c'est un film, ça? Oui, mais c'est le scénario, ce que là. T'es toujours dans le film, toi, là. Mais t'es pas dans le film qu'on tourne dans le film. Tu comprends? Fait que moi, je peux être dans le film. Je peux plus jouer dans le film. Pas de mots du film plate. Moi, je veux être secrétaire. Mais t'es encore dans le film, là. Tu comprends? Oui. Bon, mais là, on est dans un film. Ils vont s'arranger pour que tu sois secrétaire en plus. Ben oui. C'est pour ça que tant qu'à être dans un film, tu comprends la mécanique du film, puis là, tu peux commencer à jouer dans le scénario, quel que soit le rêve. Confortabilise. Mais c'est quand ça va être le temps de s'en sortir? Quand c'est le temps. Ça a toujours été le temps. C'est ça. Sauf que présentement, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as juste ce qu'il faut pour te réveiller. Dans le film qu'on tourne dans le film, tu as pas assez d'énergie pour conscientiser qu'une fois sorti de ce film-là, tu es encore dans un film. C'est sûr que tu en as en masse. Parce que là, on tourne un film dans un film dans lequel on tourne un film dans un paquet de films, là. Bon, c'est ça, c'est miroir. Là, à la fin. Alors, toi, tu es suffisamment conscient. Tu es sorti d'un film. Puis la majorité des gens, quand ils arrivent à un certain film, ils pensent que là, ils sont sortis. J'ai lâché la religion, j'ai lâché les Krishna, j'ai lâché tout ça. Puis là, maintenant, je suis correct. Tu es encore dans un film, là. Et tu es dans un film où les gens ont tout lâché. Ils font plus de cinéma. Mais ils sont dans le film, là! Alors, à un moment donné, les gens, la majorité des gens, les snobs de l'évolution, finissent par se dire, moi, maintenant, je suis correct. Ils vont dire, relaxe un peu! Toi, tu relaxes pas parce que tu es encore sûr que tu es dans un maudit film. Et il y en a quelques autres films. Il n'y en a pas plein de films. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, on ramasse de l'énergie. Y a-t-il une fin à ça? Je l'ai expliqué souvent. Il y a une fin FAIM pour se mettre à ramasser l'énergie. Il y a une fin, oui. Mais l'autre phénomène, tiens, on prend des papiers ici. Nous devons remplir un réservoir. Un réservoir. Oui. Une réserve d'énergie. Pas la gaspiller. Tu ramasses. Y a-t-il une fin à ça? Oui, il y a une fin. Tu ramasses. Il y en a une fin. Quand l'humain se libère minimum de sa prison intérieure, des petits bouts en tout cas, ben il ferme des canals. Quand l'humain cesse de chialer, ferme des canals. Quand l'humain se détache du syndrome de l'électron, quand c'est une feuille qu'il dépasse sur la route à droite ou à gauche, il n'a rien à se tirer. S'il est policier, il va dire off 110, off 115. À 80 km à l'heure, puis il zigzague. Je suis dans ce scénario-là, le gars qui va l'arrêter. Mais je mets quand même de mon intelligence là-dedans. Je n'ai pas écœuré tout le monde. Il conduit bien. Bon, je n'ai rien à foutre. C'est comme tu conduis un camion la première fois, tu sais, dans la voie du sang. On ne donne pas de prévention pour ça. On demande de te passer à droite. si tu coupes, tu coupes, tu coupes, puis là, tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses. La problématique, c'est que l'énergie, plus on va monter, plus l'énergie devient de aqueuse, elle devient gazeuse. Aqueuse, comme de l'eau, liquide. On dit liquide, c'est un coup plus précis. C'est moins spirituel, l'eau, c'est dangereux, l'eau. Au Canada, puis au Marteau, alors, lentement, ça devient plutôt gazeux, donc si ça devient gazeux, tu perçois moins que tu ramasses de l'énergie. Et là, il faut de la subtilité. Et plus ça va monter ton énergie, moins tu vas avoir l'impression de la percevoir. Subtilité. Et la problématique, c'est que ce que tu ramasses ici n'est pas utilisable présentement là où tu vis ta conscience de rêveur. Donc, on le sait, mais tu ne peux pas l'utiliser. En plus, ce que tu dois comprendre, en plus de ramasser de l'énergie, tu vis présentement sur une échelle temporelle qui part de v'là bien longtemps et qui va dans v'là bien longtemps. Nous sommes ici présentement, donc 2000 ans avant l'ère actuelle tu vis, 3000 ans avant l'ère actuelle tu vis, 50 ans après l'ère actuelle tu vis, 80 ans avant l'ère actuelle tu vis à bien des places. Mais le réservoir d'énergie, c'est un réservoir d'énergie qui ressemble à ça ici. Alors, nous, on ramasse de l'énergie ici, on la transmet là. Alors, nécessairement, il en faut de l'énergie. D'où l'idée. Moi, je disais de travailler 500 ans avant quand j'étais modeste. Là, maintenant, on va travailler sur toute la... Bon. Mais, faut ramasser de l'énergie dans toute la bébelle au complet. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ici, nous, on va découvrir. À un moment donné, on va avoir suffisamment d'énergie à partir de ce que l'humain appelle le futur. Donc, on va être capable, nous, tous, chaque fois qu'on va se réveiller... On va prendre un vaisseau séraphique, on va descendre dans le passé et ramasser nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'envers le début du 21e siècle, par exemple, totalement réveillé, eh bien, tu es réveillé, parfait. Toi, tu pars d'où ce que tu es présentement ici, tu descends dans le passé puis tu t'amènes. En t'amenant, qu'est-ce que tu fais toi? Tu écrases, tu sais, l'accordéon, mais ce n'est pas comme ça, c'est un exemple que je donne. Ton véhicule spatio-temporel. Tu ramènes ton temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas, je pense des détails, là, j'explique le reste. À un moment donné, en l'an 1200, donc à l'adresse 1200 au niveau au niveau spatio-temporel, tu te réveilles. Qu'est-ce qui va arriver à l'an 1200 quand tu vas te réveiller? Je vais me faire brûler par les humains. Non. Il y a une soucoupe volante qui va venir te chercher. Ben, c'est rien que ce qui va arriver. Laisse ça être comme ça. En l'an 800, tu te réveilles. C'est la même chose que pour venir me chercher. C'est ça. Et là, ce qui va arriver, oui, la même, exact. Puis là, progressivement, tu vas aller te chercher. C'est sûr, ça devient exponentiel, parce qu'à un moment donné, on va avoir suffisamment de possibilités d'aller fouiller dans le passé, parce qu'actuellement, on étudie l'histoire. Mais c'est l'histoire, c'est de l'histoire. Qu'est-ce que c'est une histoire? C'est la... L'histoire de l'humanité! C'est la concrétisation du rêve. Ben non, oui, c'est sûr, mais une histoire, qu'est-ce que c'est? Non, c'est... Sinon, une histoire, un écrivain, il compte des histoires. Ça n'est une histoire, ça. C'est, ben oui, ça n'est une histoire. Mais elle est utilisable. Elle n'est pas absolue. C'est... Mais ça, moi, si on peut parler du passé, du futur, dans le futur, je me suis réveillé. Là, je suis en train de me réveiller ici, là. Ouais, t'es réveillé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus réveillé dans le futur. On peut être en train de se réveiller aussi dans le futur. Jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est... Oui. Mais non, l'affaire, c'est que... Pour la nuit, là. Oui, c'est ça. Bon, suite à ça... Tout le monde est différent. Tu me disais que... Moi, je te disais, je suis orienté plus vers le futur, mais tu disais, le problème est quand même dans le passé. Donc, il faut aller régler des choses dans le passé. Bon, dans l'adresse... Il faut être capable d'accepter de plus en plus de recevoir de l'information provenant d'une adresse dans l'avenir sans vouloir prendre l'information qui provient de l'avenir pour la cristalliser au 20e siècle. L'humain souffre sans arrêt parce que l'humain est anachronique. L'humain est anachroniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te réveilles en l'an 800, puis là, tu rentres dans une boutique, tu as un gars qui vend des bebelles, tu dis, téléphoner. Les pilules, ouais, mais les pilules, c'est ma lumière de poche. C'est ça. Ouais. Je suis rendu avec ta lampe de poche, là, en 1408. Il dit, ça ici, là, clic, clic, vous voyez, ça est faible. Ouais. Auriez-vous des piles? Même si c'est faible, il va trouver qu'il est fort en maudit. Mais est-ce qu'il y a un temps où l'humain ne sera pas anachronique dans sa conscience? Parce que la conscience, c'est pas dans le temps. La conscience, c'est dans le rêve. OK, mais à part, s'il sort du rêve, à ce moment-là... S'il sort du rêve, là, ça, c'est, on n'en parle même pas. On ne peut pas en sortir, finalement. Oui, on peut. Mais quand tu vas en sortir, tout ça va en sortir. C'est ça comment? C'est ce qu'on fait. C'est juste de ça qu'on parle. Il n'y a pas de truc là, parte. Quand tu vas avoir suffisamment ramassé d'énergie... Oui. Tu vas te réveiller. Tu es réveillé, mais c'est l'intention du rêve. Nous, on est on se réveille dans le cauchemar présentement. On est des gens qui sont endormis. C'est on ça, se réveille, c'est... mais le corps ne se réveille pas. On se réveille, puis on se rend compte qu'on rêve. Là, tu ne connais plus la sortie. Puis quand tu te réveilles dans ton rêve, c'est immense. Tu peux aller sur Mars, sur Vénus, rentrer dans le centre de la Terre. Essaye de te réveiller. Fuck, le cadran sonne. Et le cadran n'appartient pas à ton rêve. Il est à l'extérieur. Ou bien il va falloir que tu connaisses tellement la mécanique que tu es capable de contrôler le véhicule dans lequel tu rêves, le détruire, automatiquement te réveiller. C'est ce que nous, on va faire. Et en te réveillant, la création n'aura jamais existé. Le rêve n'aura pas existé. Bon. Sauf qu'il n'y a pas ici, pendant que tu rêves, moi, ce que je sais, c'est que... Puis je vais peut-être changer totalement de discours quand on va avoir atteint un certain niveau d'énergie. Oui, c'est ça. Mais non. C'est pas grave, l'idée c'est qu'on arrive à ce niveau d'énergie. L'idée c'est que pour arriver là, mon discours est parfait présentement. Non, non. Je suis d'accord. OK? Ça, il n'y a pas de problématique. Tout à l'heure, j'ai bien dit, c'est pas de l'absolu. Mais c'est essentiel qu'on le comprenne. Parce que sans ça, tu vas finir par te dire, telle forme, je ne l'emploie pas. Tout à l'heure, je vous expliquais au niveau de la médecine, par exemple. L'aspirine, c'est une forme. Mais oui, mais une forme qui va guérir une forme de maladie, c'est banal. Mais moi, je dis, non, c'est une forme, j'en prends pas. Comme le monde qui se dit, oh, moi, j'ai mal aux dents, mais je préfère l'endurer que de prendre un médicament. Ouais, mais la douleur à ta dent, elle fait autant de tort à ton corps physique que les médicaments. Fait que moi, j'aime autant prendre les médicaments. C'est plus confortable. Bon, par rapport à la conscience, dans le temps, on est dans la forme présentement. Alors, c'est ça s'en vient. Alors, pour aller travailler dans l'adresse du passé, dans l'adresse oui. spatio-temporelle, d'où il y a des problèmes qui se ramènent jusqu'à moi présentement, tu as déjà mentionné qu'il pouvait y avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut aller régler des problèmes, on peut revenir avec d'autres problèmes. Par exemple, tu te crées de la culpabilité, tu penses, bon, comment aller travailler là-dedans? En étant... Pas tout de suite, c'est pas le temps présentement que j'explique comment y aller. Moi, j'y vais. Ça fonctionne bien. C'est agréable. Je t'ai prêté de l'argent dernièrement uniquement pour que tu m'as... En tout cas... Ah! Dans le détail, c'est pas encore... Moi, je me promène présentement, mais tant que l'humain ne sera pas capable, minimum, de briser certaines prisons intérieures, c'est pas le temps qu'elle jase là-bas. OK, mission de la fin quand même. Je vais l'expliquer à un moment donné, mais pas en conférence, on fera quelque chose, et je vais l'expliquer à un moment donné. Il faut prendre le temps. Il y en a intuitivement qui vont être capables oui, de le faire. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé. OK, oui, mais la problématique, effectivement, c'est que si t'es pas un bon pédagogue au départ, parce que tout ce que tu vas faire dans le passé, c'est de la pédagogie. Uniquement de la pédagogie. Tu n'arriveras pas là comme un maître, parce que toi, quand tu vas devoir arriver comme un maître, tu vas devenir un spirituel encore plus puissant qu'avant. Tu vas dormir plus. Il faut être un instructeur. Et pour être un instructeur, il faut être pédagogue. Un pédagogue, c'est celui qui est capable de comprendre qu'est-ce qui va nuire dans la communication, qu'est-ce qui va aider, puis qui est capable de vérifier si ce qui passe comme information n'est pas coloré. OK, mais si tu parles toi-même à toi, comme ça si il n'y a personne qui est... Le 5 ans, tu te lèves le matin, là, puis tu es assis sur le poids de ton lit. Tu sais? Là, tu demandes, qu'est-ce que tu fais là? Ah, moi, il y a un courtier d'assurance qui m'a conseillé, puis... Non, mais là, tu parles de quelque chose d'extérieur. Je suis assis, j'ai 5 ans, je suis assis sur mon lit, puis je me dis, ben, je devrais peut-être faire telle affaire, ça serait peut-être correct pour moi, ça serait correct oui, pour moi. Mais comme dans ton cas, je me parle. Non, parce que comment étais-tu quand tu étais jeune, dans ton cas? Non, mais je me rebranche sur ce que j'étais quand j'étais c'est jeune. C'est ça, tu étais très, très spirituel. Oui, mais si le message passe spirituellement, puis ça fait que je change, si je règle un problème... Tu peux continuer à devenir spirituel, là. Il faut faire attention. Bon, ben c'est ça que je veux que tu parles, des choses qu'on ne doit pas faire. Présentement, fais rien. Mais tu veux que je te réponde ou non? Oui, mais c'est... Parce que moi, j'ai le goût de faire de quoi, là. Dis-moi ce que je te dis. Ben, je veux que tu me dises comment y aller sans me casser la gueule, sans revenir pire. Présentement, tu peux pas. Ben, là, ça court-circuite parce que ce que tu as donné, mais c'est plus un sport calme. Relax. Non, j'ai rien donné. Présentement, là, je communique parce que je découvre. Bon, moi, je le fais, moi, je viens faire quelque chose. C'est pas le temps, présentement, aux humains. Par transport séraphique, c'est la seule façon. T'es pas encore rendu là. Ça va venir. Faut pas que tu deviennes impatient comme tu l'as été il y a 2-3 ans, tu sais. Puis là, tu décides d'essayer tes expériences. Ça vient. Mais c'est extrêmement important de faire attention parce qu'on peut s'abîmer énormément. Présentement, comme tu es là, ça va bien? Ben oui. Ça avance pas pire? Ben, ça avance, oui, ça avance pas pire. Bon, ben c'est correct. Pas pire, c'est-à-dire que ça pourrait être pire, mais je trouve que c'est pas... Ça avance mieux. Oui, ça avance mieux que ça n'a jamais été, sauf que c'est encore loin de ce que je suis. Loin de ce que tu vois de ce qui est là-bas. Oui. Mais c'est pas nécessaire d'aller leur casser la gueule tout de suite. Tu as déjà ta difficulté à accepter les petites nouveautés. Non, mais je veux pas que tu es dans le passé tout de suite. Toi, tu es un gars spirituel. Moi, tu pourras pas. Tu pourras pas. Pas tout de suite. On pourra en parler la troisième partie, maintenant, là, mais on aura plus de temps. Pas de suite. Mais là, pour accélérer... Moi, je veux changer mon cadre actuellement, là. Ça n'a pas d'allure. C'est ça. En spécial avant Noël. Je veux changer ça. Moi, c'est pas un rêve que j'ai, c'est un cauchemar. Tout le monde. Ouais, ben c'est ça. Mais pour... Attends des secondes. Allons-y, morceau par morceau, puis écoute bien, toi, là. Veux-tu changer ton cadre ou si présentement tu es en train de changer ton cadre? Ça, c'est une dissonance? Oui. Tu sais que tu es en train, oui, et en dedans on dit que tu n'es pas en train que tu veux. Oui, c'est vrai. Ça, c'est déjà. Bon, moi, je vais dire oui, mais c'est ce que tu es en train de faire. De quelle façon? Mais moi, j'aimerais que. Soit fait. Quand ça va être fait, moi, te le dire, fais. Juste comme j'arrive là, tu me fais rire. Puis là, ben, pff, voilà. Et. C'est pas correct. Oui, c'est correct. Non, c'est pas correct. Je viens de te ramener là. C'était que. Je veux changer. Oui. Même pas. C'est en train change, de changer. Là. Ouais. Oui. Bon, ben, comment je peux accélérer ça, là? C'est déjà un exponentiel. Bon, est-ce qu'on peut prendre l'accélération? Ouais. Non, genre, ça va tellement vite ton changement que c'est une grande partie ça que tu as de la misère à accepter. Puis tu veux changer ça. Et ça va vite! Sauf que tu ne vois pas, tu ne contrôles pas tous les éléments du changement. Ça t'existe pas. Qui insécurise. Je sais que ça n'existe pas. C'est exponentiel au niveau de ta conscience. Ça va plus vite. Dans le temps, dans la créature, le temps que tu as au niveau de ta conscience, ça va de plus en plus vite, sauf que tu veux aller plus vite. Tout ce que tu veux, c'est que tu veux accélérer. Ça crée un problème. Tu vas à 1 km à l'heure, ton rêve d'accélérer jusqu'à 5. Quand tu vas à 5, non, ton rêve d'accélérer de 5. Quand tu vas à 10, c'est d'accélérer de 5. Quand tu vas à 15, c'est d'accélérer de 5. Puis là, plus ça accélère, plus tu veux accélérer, mais c'est déjà un exponentiel. Fait que tu ne peux pas être satisfait. Ça, c'est une question juste d'apprendre à voir les principes. Il faut relaxer de temps en temps. Moi, ce que je n'arrive pas à toucher présentement, là, je l'envoie promener. Mais tu sais, c'est pas de regarder pour dire, finalement, je ne suis pas si pire que ça. Il y en a qui sont bien pires que moi. Hein? C'est pas ça l'idée. Présentement, tout est en train de se transformer. Quand ils découvrent même des anachronismes historiques, tout est en train d'être renversé complètement. Puis tout est là en disant, ouais, mais on peut-tu aller plus vite? Toi, tu as même de la difficulté à supporter. Il y a d'autres choses qu'il faut comprendre aussi. C'est que tu ne pourras pas présentement aller plus vite que la vitesse du vent. La mollesse de l'air. C'est pas tout à fait ça, comme on peut dire ça, mais plus tu vas aller vite, plus l'air devient compact. La résistance, mais il y a un autre terme. plus tu vas aller vite, plus l'air devient compact. À un moment donné, il va falloir que ton condamne ait un nouveau vaisseau, une nouvelle façon de traverser l'air, ou qu'on fonctionne par écho-magnétodynamique. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Là, tu dis, oui, mais pourquoi on ne le fait pas tout de suite? On est en train de s'en rendre compte. On est en train de bâtir la machine. On n'est pas rendu au processus du miracle. Bon, je comprends ton écœurement, mais est-ce qu'il faut regarder? En même temps, qu'on s'écœure, on ne me dérange pas. Attention à la déprime ou à l'impatience. L'impatience, l'astral vous ramasse par l'impatience, ça vous fait faire à peu près n'importe quoi alors que vous étiez en train de vous en sortir, parce que l'impatience va vous ramasser, vous recherchez de faire prendre n'importe quoi qui semble vous amener plus vite ou vous amener plus loin. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Tout va bien. Présentement, ça va bien. C'est pas parfait, ça va bien. C'est moins pire qu'avant. Donc, ça va bien. Ça va aller mieux. C'est moins pire qu'avant. T'en durais combien de temps, là, avant? Ça fait longtemps. Ben, ça fait longtemps. T'en durais beaucoup. Bon. Puis là, c'est mieux. Oui. Puis tu souffres plus. Oui. Bon. C'est correct que tu t'écœures. Ça, je n'irai pas te faire une psychologie là-dessus. C'est correct que tu t'écœures. Mais ce que moi, je veux bien qu'on comprenne, c'est que ton écœurement, c'est une forme d'énergie. C'est comme si je te dis, tu t'écœures, ça accélère. Ouais, je vais venir. Tu fais ce qu'il faut. Tu vois pas les résultats. Bon, v'là un an. C'est quoi pour toi, v'là un an? Tantôt. Oui, puis c'est quoi? As-tu existé? Non. Pour ça, je te dis que quand tu vas l'avoir fait, tu feras. Moi, en attendant, je suis dedans. Oui. Puis là, en attendant, tu continues à faire comme on fait là. On pose des questions, etc., mais il ne faut pas rechercher des trucs pour aller plus vite ou des mécaniques, des patients. Ou pour juste partir de là, là. On sait ce qu'on est en train de faire. Tu savais comment ça brasse, je passe pas assez vite à ton goût. On peut pas aller plus vite que l'air. Pas pour l'instant. Ça brasse. C'est bien. À la troisième partie, on verra. Si tu as des questions plus claires, je pourrais probablement traverser un peu plus. Mais une chose certaine, c'est à la question comment on fait pour. Juste comme ça, présentement, tu fais ce qu'il faut. Puis il n'y a pas que des individus qui font ce qu'il faut. Il faut juste qu'on ne fasse pas d'erreur. Oui, mais c'est ça, ça revient c'est toujours ça, à la même chose. C'est du nouveau. Comment tu veux que j'accrédite ou que je sois sûr que c'est du nouveau? Tu le sais, tu le vibres, tu t'en vas là. Tu sais que tu n'as pas de choix présentement dans le monde astral. Tu sais que l'astral t'arrange, te charrier en 6 mois. Parce qu'à l'instant où tu peux prendre une porte, on t'en ouvre 3-4, là tu te dis, ben là, t'en prends une, puis là tu sais qu'en prenant elle, on vient te fourrer parce que t'es pas en bonne place, mais celle-là, elle peut peut-être te permettre de vivre financièrement. En attendant que l'autre aboutisse, mais t'es plus dans l'autre, t'es dans elle. Fait que là, avant, t'avais le temps, t'étais d'aller chercher de l'argent. Là, tu te demandes, t'es appelé à t'essayer. J'en ai rien à foutre de l'argent. Je le sais. C'est évident que tu en as besoin. J'en ai besoin. Mais tu n'en as rien à foutre. Je comprends tout ça. Ça, c'est des mécaniques astrales. Toi, il faut que tu constates que ça va tellement bien que l'astral te donne même. Écoutez, quand vous êtes trop pauvre, toujours, vous gagnez à la triche, c'est une erreur. On vous massacre au maximum, ça va mal. Et à un moment donné, vous êtes tellement conscientisé, tellement dangereux. Que l'astral finit par accepter de vous envoyer $1,000,000 dans l'espoir que ça va vous distraire. C'est ce qui t'arrive. C'est pas encore là le million. Mais si tu restes toi, ça j'ai déjà dit souvent, quand l'astral m'en a juste me distraire, mais moi, je veux pas me distraire. Fait qu'à un moment donné, on te fera qu'on t'en donne un peu plus. On va aussi confortabiliser ton niveau de vie progressivement au maximum, si tu n'as pas d'erreur. Des rares, c'est pas de chercher, là, signe ça ou signe pas ça, là. On parle humainement. Si tu restes toi, pourquoi on va chercher de te confortabiliser? Parce que si on te nuit, en te confortabilisant, t'es en beau ciboire. Fait que si le moindrement qu'on te nuit un peu, parce qu'il y a des affaires qui vont voler là. L'astral veut pas. Donc là, on s'arrange pour te confortabiliser, mais au départ, on t'occupe. Cherche un emploi, il y a rien. Là, tu conscientises. Tiens, on va écrire un livre. Pas de problème. tu commences à l'écrire, tu que c'est brillant. Puis là, à un moment donné, l'autre téléphone de 4-5 places, tout le monde a un emploi. Ah, ouais. Il y en a 4-5. Là, tu en prends un, puis là, tu commences avec un petit salaire, puis deux semaines après, il y en a un qui appelle, là, c'est un gros salaire, lâche tu suis là, t'en vas-tu là, vas-tu être capable là, puis t'es ton don. Tu en as trop, là. Dissonance cognitive, ils font tout pour t'amener en dissonance cognitive. Ça prouve, un, qu'effectivement, ce que je dis ou ce que tu sais, toi, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Puis ça prouve, deux, que maintenant, tu es rendu à un niveau où on veut confortabiliser ta vie parce que tu as le moins de chances de t'en sortir confortable que problématisé. Sauf que si tu restes ce que tu es toi, tu vas dire, oui, tabarnak, amenez-le, le million. Mais tu vas continuer à avancer. Ils sont faits à l'os, mais ils savent très bien qu'ils vont t'hériter bien plus s'ils descendent. Mais là, quand je dis aller avec patience, c'est que le contexte du 20e siècle actuel, ce rêve-là, n'a pas l'énergie, n'a pas la matière, n'a pas la forme pour changer comme, à la vitesse que tu voudrais que change. Plus ton passé. Là, pour être capable de te donner de l'argent, sans que tu fasses de conneries, faut que tu aies pu en avoir avant sans faire de conneries. Donc là, présentement, il faut qu'on change ta jeunesse. Tu n'as pas été un gars à prendre de l'argent et à faire de quoi d'intelligent que ça, toi, là. Là, il faut qu'on change ton passé. Il faut qu'on change. C'est en train. J'ai pas ton séminaire. Ouais, c'est aujourd'hui, c'est là. Oh, oui. Tu dois quoi 50 piastres en passant? Mais c'est ce que je disais tantôt, tu dis il faut qu'on change son passé. Mais c'est ça. C'est ce que je veux faire, moi aussi. Oui, mais tu ne peux pas vouloir le faire en t'assoyant dans ta chaise, là. En te sentant deux pieds de même, en te mettant une affaire dans la face, puis là, en partant 15 ans en arrière. Là, tu te parles. Pas pour l'instant. Faut que tu continues à accepter ce que tu es là. Là, on parle de deux, hein? On parle de tout le monde. On est bien. Ils vivent pas ça, ils sont pas rendus à ce niveau-là encore. Ils font des simulations que vous compreniez. Non, vous comprenez, là, je règle pas le problème, là. Bon. Ouais, ils simulent, les autres sont rendus là. C'est des intervieweurs. Présentement, tu changes le passé, Jacques change le passé, il est en contact avec l'avenir. La problématique, c'est de déspiritualiser. Tu veux contrôler, tu veux voyager. Le rêve. Fox, tu voudras plus voyager, puis tu voudras plus contrôler quand tu vas pouvoir le faire. Le rêve, quand on dort, on rêve, là. Puis de ce temps-là, ça. Je vois à gauche, à droite, là. Ça dépend ce que le temps. C'est pas pire, parce qu'il y en a qui vont en arrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Non, mais dans le cylindre, là, ça se promène d'abord et de l'autre. Okay. Puis, des fois, ça, là, c'est la meilleure manière d'aller instruire. Oui. Là. Écoute. Oui. Écoutez tout le monde. Continue. Je recommence. C'est la meilleure manière d'aller instruire moi où j'ai fait. En tout cas, ça fait une couple de fois que je rencontre du monde que je connais actuellement. Là. Puis. Mais là, tu vas pas ça règle des problèmes. Tu vas établir des contacts. Ça règle des problèmes que j'ai actuellement. C'est officiel, tu passes de l'énergie pour régler, pour changer le passé. Donc, le problème n'existera plus rendu aujourd'hui. Mm. Et de ce fait, le problème va se dissoudre dans la réalité. Est-ce que ça l'instruit en même temps, moi qui est là? Tu passes de l'énergie au véhicule. Je passe de l'énergie. Oui, c'est ça. On pourrait dire, oui, tu t'instruis. C'est pour ça que j'en ai plus. Plus deux. L'énergie. Non. T'en as masse d'énergie, sauf que si tu t'écartes trop émotivement, tu vas en perdre. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aller trop vite. C'est correct, présentement. Ça va bien. Mais ça va parce bien. Que je vais aussi sur l'autre côté. C'est normal. Mais là, Mais rentre pas en quête, en croisade contre personne. Non. Sauf que je cherche des alliances pour m'en sortir. T'es en train de t'en sortir. T'es allié au maximum. T'es allié à ce qu'il y a de mieux. Ah oui, ça c'est vrai. Mais oui, il faut continuer comme on fait là. Qu'on parle comme on fait là, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas que ce soit. Si c'est une raison pour amener de l'énergie, c'est correct. Si c'est une problématique qui est réellement vécue, c'est dommage. Il y a beaucoup de perte d'énergie là. Ça va bien. Quand je rencontre quelqu'un là, il me dit plein d'affaires, c'est parfait, j'ai une montée de l'écran. Et finalement, ça tombe à l'eau. Ça ne change rien. La façon dont j'ai vécu la relation, l'événement au complet, là, je sais que je suis monté de l'écran. Ça aurait été confortable que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, je m'en fous. Fait que l'astral ne pince plus comme ça. Oui, mais ça va passer vite, glorieux. Je m'en fous, ça va très bien. Pourquoi? Parce que moi, je suis différent à chaque fois. Je suis moi-même de plus en plus. Je me rends compte que je suis avant. Donc, je n'ai rien à foutre. Alors, par exemple, comme fait l'astral, t'as amené 4-5 à faire, c'est un rêve. De toute façon, ça va être bien. Et pourquoi c'est souffrant présentement? C'est que tu mets trop d'émotivité à travers la forme. Et ça va bien. Les choses te placent. C'est comme si je te dis, écoute, joue un peu au domino avec l'autre là-bas, ça va l'occuper, là. On s'occupe de tout. Puis 3, 4, 5 petits coups, après ça, on va aller te chercher. Ouillable le domino. Mais tu as joué ça juste pour l'occuper. Mais ça nous a permis de faire de quoi? Il y a tellement d'affaires qu'on va voir, puis c'est pas décidé. Il faut relaxer. Oh.